Les greniers, de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Yasmine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les greniers. Sous le manteau des toits s'étalaient les greniers, larges, profonds, avec de géantes lignées. De solives en croix, de poutres, de sommiers, d'où pendait à ses fils un peuple d'araignées. Les récoltes en tas s'y trouvaient alignées, les froments par quintaux, les seigles par paniers, les orges de clarté poussiéreuse baignées, l'avoine et le colza par monceaux réguliers. Un silence profond et lourd, tel une mare, s'étendait sur les grains que coupait de sa barre et de ses lames d'or le soleil de juillet. Au reste, les souris toutes se tenaient coites, les museaux enfoncés dans leur niche étroite, tandis que sur un vent le grand chat blanc veillait. Fin de Les Greniers.